Yo, pick a move. On va secouer le fossé. Il était une gazelle qui allait en soirée. La meuf bien fraîche, bien belle, son mouvement assuré. Ses fesses faisaient ouli oula et ça jasait coussi coussa. Ses fesses faisaient ouli oula et ça jasait coussi coussa. Trois pas en avant, trois pas en arrière, en position cambrée, puis secouer le fessier. Trois pas en avant, trois pas en arrière, en position cambrée, puis secouer le fessier. Patati patata, secouer le fessier. Mon mec par-ci, mon gars par-là, secouer le fessier. Tibouga l'oxy en laissa, ça pétait sec mais c'est. Puis la gazette trompe à son gars, sur WhatsApp elle l'a quitté. Je suis parti, je ne veux plus de toi, je suis parti. J'ai trouvé meilleur que toi, je suis parti. Je ne veux plus de toi, je suis parti. Patati et patata, je suis parti. Je ne veux plus de toi, je suis parti. J'ai trouvé meilleur que toi, je suis parti. Je ne veux plus de toi, je suis parti. Patati et patata. Trois pas en avant, trois pas en arrière, en position cambrée, puis secouer le fessier. Trois pas en avant, trois pas en arrière, en position cambrée, puis secouer le fessier. Secouer le fessier. Secouer le fessier. Ça pétait sec, messier. Sur WhatsApp, elle l'a quitté. Il était une gazelle qui allait en soirée. La meuf bien fraîche, bien belle, son mouvement assuré. Ses fesses faisaient ouli oula et ça jasait coussi coussa. Ses fesses faisaient ouli oula et ça jasait coussi coussa. Trois pas en avant, trois pas en arrière, en position cambrée, puis secouer le fessier. Trois pas en avant, trois pas en arrière, en position cambrée, puis secouer le fessier. Je suis parti, je ne veux plus de toi, je suis parti. J'ai trouvé meilleur que toi, je suis parti. Je ne veux plus de toi, je suis parti. Patati et patata. Yo, pick a boo.